crois que je très bien lire Millard. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous rentrons dans le troisième millénaire avec une société qui, d'un côté, crée un milliard de victimes économiques lors de faim actuellement, et d'autre côté, une grande misère, un grand désespoir. Et l'intérêt de ce que tu nous as dit, c'est qu'on arrive à décrypter le pourquoi de cette grande misère, ce grand désespoir dans la classe qu'on appelle ouvrière, qui est quelque chose de relativement nouveau à ma connaissance, puisque les conditions de travail difficiles, il y en avait il y a des siècles, et les gens ne se suicidaient pas pour autant. Ce que notre exposé fait ressortir, il y a trois points assez nouveaux dans l'organisation de l'entreprise. Le premier point est l'atomisation, longuement décrit, l'atomisation du salarié. On a utilisé l'idéologie capitaliste à utiliser cette atomisation du salarié, effectivement, une approche narcissique, une approche qui est quelque part idéologique, mais un peu tordue, comme est le système. C'est-à-dire qu'il dit qu'effectivement nous sommes tous différents, et à partir de cette différence, il crée des spécificités qui s'opposent au communisme. Tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée des différences dans tous les gens, on dit voilà, on est tous différents, et effectivement, à un moment donné, on n'a plus les mêmes intérêts. C'est ça, effectivement, les atomisations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une contradiction entre la spécificité individuelle et le communisme. Il nous appartient par la réflexion à la raison d'être. Ça, c'est le premier point, l'atomisation. Le deuxième point, c'est le recours à l'injonction paradoxale. C'est très nouveau aussi. La double contrainte. Tu en as cité une, c'est le cas typique du postier, alors lui ou du fonctionnaire, lui il doit à la fois aider les personnes âgées, mais en même temps être rentable. C'est tout proprement impossible. Voilà. C'est-à-dire que l'individu, une fois qu'il est atomisé, après il est écartelé. Donc, ça c'est assez nouveau. Le troisième point, tu l'as aussi très bien souligné, c'est effectivement l'interdépendance économique. Nous vivons dans une économie, tout le monde le dit, mondialisée. Effectivement, là aussi, il y a une contradiction. On ne peut pas être autonome dans une économie hétéronome. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là aussi, il faudra réfléchir à des modes de production autonomes si on veut être autonome. C'est-à-dire que pour contrôler la production, il faut la contrôler dans son entier. Il ne faut pas simplement avoir des parcelles. Ce n'est pas pour le problème uniquement de l'utilité sociale du travail, c'est aussi le contrôle de nos propres vies à travers ce qu'on produit. C'est beaucoup plus important que ça. Ce n'est pas simplement être utile à la société. C'est-à-dire qu'il faut savoir, quand on réalise quelque chose, où ça va et d'où ça vient. Et les ouvriers à Molex, s'il le faut, ils fabriquaient des armes, ils n'en savaient rien. Ou du moins, leurs composants rentraient dans les missiles. Voilà, composants électroniques, ils n'en savaient rien. Ils font un composant électronique, et après, ça va massacrer 10 000 personnes quelque part. Donc, ça, ce sont trois points absolument nouveaux, modernes et fondamentaux sur lesquels toute réflexion anarcho-syndicaliste doit peser pour avoir un discours par rapport à la place ouvrière, les paysannes, par rapport aux gens qui travaillent ou qui sont précaires. C'est la même chose. Parce que tu l'as bien dit, les précaires ne sont jamais que l'armée de réserve, donc ça par contre c'est pas nouveau, du patronat. Et le patronat considère effectivement les salariés comme ses soldats. Mais ça non plus, tout ça c'est pas tellement nouveau. Là. Mais les trois points que tu as cités à propos de l'INA, c'est vraiment essentiel, notamment la réflexion sur qu'est-ce que c'est notre différence, et notamment moi je crois que ce castorialisme est utile, notamment au niveau de la sphère privée. Parce que paradoxalement, on vit une société où soi-disant on est différent, mais on ne respecte pas la sphère privée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un contrôle de la vie privée à travers notamment des politiques sécuritaires, de contrôle, de vidéosurveillance, etc. Et, tout. Et là, personne ne dit rien. C'est-à-dire que pour atomiser les gens, on dit « Ah, on est tous différents, on a tous narcissisme, etc. » Mais après, quand on vit au quotidien, eh bien, on est tous surveillés, Internet, le portable, etc. C'est tous des moyens où notre vie privée est complètement saccagée. C'est-à-dire que les différences, là aussi, elles servent au système pour ça. Le deuxième point, la double contrainte, bon, il y a plein de cas où les gens sont soumis à la double contrainte, à l'injonction paradoxale. Et le troisième point, voilà, c'est l'économie mondialisée, qui fait que quand on a entendu l'année dernière, à propos de la crise, vite fait, Fillon a appelé à l'unité nationale dans une économie mondialisée, c'est totalement ridicule, parce que ça ne va pas empêcher les capitalistes de vendre des brevets aux Américains pour Molex. Et ça n'a pas empêché les capitalistes de délocaliser le truc. Alors si vraiment les soldats étaient ces salariés étaient soldats et que les patrons étaient les généraux, il faudrait fusiller les généraux pour désertion et pour trahison. Voilà ce que je veux dire. Et moi je demande que ce soit fusillé. Il faut aller jusqu'au bout. En 1918, les déserteurs étaient fusillés. Ils ont été fusillés. Bon, et bien eux, c'est les traîtres. Sur le suivant, anthropologique. On doit leur dire, messieurs, vous trahissez votre patrie, Voilà, vous avez un mur, vous ouvrez le drapeau. C'est clair, vous n'êtes pas limpide. Si on est des soldats, eh bien c'est des généraux. Si c'est des généraux, ils vendent des brevets et ils délocalisent, ils trahissent la patrie. Terminé, point de la ligne, on fait un procès. Moi je peux le faire, un procès normal. Voilà, monsieur, vous étiez chef. Voilà, vous avez vendu à la production, vous avez délocalisé, mais c'est la trahison pure et simple. On est contre la peur de mort, on se contente de rentrer aux Français à perpétuité. Mais à un moment donné, bon, il faut dire la chose telle que ça, c'est-à-dire qu'ils utilisent les arguments de manière tout à fait fallacieuse. Voilà, c'est-à-dire qu'ils en prennent une partie, mais comme pour la vie privée, qui les arrange, et le reste, ça passe à la trappe. Mais il faut aller sur la globalité. Il faut dire, écoute, hein, voilà. Si on... Allez, laisse la parole. Je m'énerve, je sens que vous êtes esprit. Donc, juste deux précisions, j'en ai pas trop parlé des histoires, donc effectivement, j'ai lu un autre bouquin qu'elle a écrit sur les différents plans de licenciement jusqu'à la fermeture de l'usine Chausson. Je pense que c'était en 93, 94, 95, donc un bouquin qu'elle a écrit là-dessus, bon, qui était pas mal là-dessus. Où effectivement, donc, il y avait, sur ce que tu disais, les conditions de travail avant. Effectivement, les ouvriers dans les années 60, 70 et qui sont arrivés jusqu'aux années 90, ben, ils disaient effectivement avant c'était vachement plus dur. Mais c'est clair, hein, c'était on bossait comme des forçats, etc. Mais ils disaient effectivement c'était plus sympa. C'était on était bien, il y avait un collectif, il y avait quelque chose, etc. Alors que là c'est vraiment merdique. Alors qu'on est il y en a certains qui disent on est mieux payé, on est beaucoup moins, mais pff, voilà. Et ensuite sur les histoires de la subjectivité, de la sphère privée qui rentre dans l'entreprise. La même boîte, il y avait ce côté familial où effectivement, bon, ben, ils avaient un type qui se chargeait d'organiser les voyages touristiques pour l'usine, etc., le truc en famille et tout ça. Donc effectivement, il y avait une façon pour l'entreprise de fidéliser vachement ses employés, ses ouvriers, etc. Quelque part, là, on pourrait dire qu'il y a une mainmise sur leur vie parce qu'ils les auraient, machin. Mais n'empêche, eux en étaient heureux de ça. Enfin, ils disaient, Chausson, c'était vraiment la qualité. On avait des super vacances, le resto cantine c'était excellent, etc. Machin. Alors, et tout le paradoxe, c'est que cette logique managériale qui veut être amener encore plus la subjectivité, la vie privée de l'individu dans l'usine, ben finalement tout ça, elle l'a sucré, quoi. Elle l'a sucré. C'est une injonction sur la forme, mais ça le sucre. Bon, ben voilà, c'était juste des anecdotes que j'aurais pu raconter. Voilà. Mais sinon, effectivement, voilà, ça, s'ils le disent, c'est souvent, clairement, pour les vieux ouvriers, c'était plus dur avant et c'était mieux. On le vivait mieux, le boulot. On était mieux, on était dans une communauté. Il y avait un sens, quoi. Voilà. Le débat. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on se connaît, on est des militants du courant communiste international. Bon, d'abord, je veux vous remercier de nous accepter dans votre discussion. En gros, il y a deux idées que je voudrais pas trop développer pour ne pas accaparer la parole, mais qui m'ont frappé à la fois en lisant votre article sur le management, les suicides, etc., et en même temps en écoutant l'exposé, parce que c'est évident qu'à travers l'exposé, il n'y avait pas qu'un compte-rendu froid du livre. On sentait que le... Je ne sais pas si on peut s'appeler camarade, mais on s'appelle camarade, que le camarade voulait défendre des liens communautaires, la solidarité et avancer dans ce sens-là. Par rapport à ça, vraiment on peut dire que on partage totalement l'indignation que vous montrez dans l'article et les aspirations qui transparaissent à travers la façon dont l'exposé a été fait. On les partage totalement. Et pour nous, l'indignation, c'est très important. Parce que si on n'est pas capable de s'indigner face à la barbarie et à la misère dont tu parlais, qui se développe actuellement, Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire la révolution? Comment on va pouvoir détruire le capitalisme si on ne ressent pas cette indignation? Donc ça, je voulais le souligner. Et peut-être donner un exemple. On parle beaucoup de la révolte de Spartacus. Les esclaves, ils sont révoltés contre les maîtres. Et pour nous, ce que nous saluons dans cette révolte, malgré le fait qu'elle a été complètement défaite, c'est que Spartacus, avec ses compagnons, ont défendu la dignité humaine. Ils n'ont pas accepté ce qui n'est pas acceptable. Et ça, déjà, c'est un point de repère particulièrement important. Dans l'exposé, dans cette recherche, dans cette aspiration à développer la solidarité et une communauté, une ambiance humaine, on pourrait dire. On a parlé de tout ce qui a été fait pour casser cette solidarité. On est d'accord aussi. Bon, j'ai envie de donner un ou deux exemples. Au XIXe siècle, il n'y avait pas de sécurité sociale. Il n'y avait pas de caisse d'allocation chômage. Les ouvriers se cotisaient entre eux. Et quand il y en avait un qui était arrêté, pour fait de grève ou autre, ou qui était malade, c'est les ouvriers qui, par leur solidarité, qui se soutenaient. La bourgeoisie, qui est une classe cynique et veule, n'est pas une classe stupide. Ils ont volé à la classe ouvrière cette solidarité, en mettant en place la sécurité sociale, la prise en charge de cette solidarité par l'État. L'État, et ils savaient tout à fait ce qu'ils faisaient, ils ont volé aux ouvriers cette solidarité. Et il nous appartient de redévelopper cet esprit de solidarité, et là aussi je sais qu'on est d'accord. Alors par contre, j'aborde un deuxième point, je vais terminer avec ça, où il y a une question qui a été posée. Moi, je vais dire comment on la voit. Si j'ai bien compris, tu as dit vers la fin de l'exposé que on dit aux ouvriers que le capitalisme est en crise et que ça va être perpétuel, que c'est irrémédiable, et que c'est ça qui, actuellement, donne un coup aux ouvriers et qui servirait à les soumettre, à ce qu'ils se soumettent. Et c'est ce que j'ai compris, en gros. Alors, par rapport à ça, nous, notre vision, c'est la suivante. C'est que on pense que dans ce qu'a dit l'introduction, on pense qu'il y a un aspect qui est vrai. Actuellement, c'est vrai que depuis la crise de 2007-2008, le coup porté aux ouvriers est tellement brutal, énorme, que la dynamique de développement des luttes qu'on avait vue au niveau international, depuis 2003, 2006, contre le CPE, etc., et pas qu'en France, hein, partout, que c'est pas le mécontentement qui s'est arrêté, mais il y a comme une espèce de coup d'arrêt où les ouvriers se sont pris un coup sur la tête et qu'ils sont déboussolés. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a une tendance à dire « Mais est-ce que je vais garder mon boulot ou pas ?» etc. Mais la question, c'est de savoir est-ce que ça peut durer? Est-ce que ça va durer? Ou est-ce que ça peut être dépassé? Alors, c'est vrai qu'il n'y a jamais rien d'automatique. Mais nous pensons que comme le mécontentement et la combativité n'ont pas disparu, qu'on va connaître un temps de digestion de ce coup brutal, et que l'enjeu, c'est que les ouvriers puissent arriver à le dépasser. À ce moment-là, ça voudrait dire un niveau supérieur dans leur compréhension. Et ça représenterait alors un pas en avant pour la poursuite de la lutte. C'est comme ça qu'on le comprend, sans y mettre aucun automatisme. C'est un combat. Et ça peut être perdu, ça. Hein? Mais on le voit plutôt dans ce sens-là. Bon, et je termine en donnant un exemple. Et à ce moment-là, la compréhension qu'effectivement le capitalisme est en faillite totale, de frein que ça représente actuellement, deviendra un aiguillon. Parce que, même si ça fait peur, il ne faut pas se le cacher, ça fait peur aux ouvriers. La question sera, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien le renverser. Et je sais que Rosa Luxembourg, dans son livre dont on parlait tout à l'heure, sur 1905, à un moment donné, elle dit, parmi les causes de cette grève de masse qui s'était développée à Saint-Pétersbourg, elle dit, c'est que il y avait des années de réflexion des ouvriers auparavant. Jusqu'à un moment où ils se sont dit, c'est intolérable, on ne peut plus supporter. Jamais l'histoire ne se répète de la même façon, mais il y a quand même des leçons à tirer. Bon, excusez-nous si ça a été un peu long. En fait, c'est par rapport à ce que sur la subjectivité des travailleurs. Si on prend juste leur point de vue subjectif, je comprends bien que c'est la position de l'auteur, hein, pas la tienne. Mais tu disais qu'il y a une perte par rapport à avant, parce que avant, par exemple, le fonctionnaire ou même le salarié privé pouvait se dire que ce qu'il fait sert à quelque chose de supérieur, en fait, de gagner juste des sous pour lui. Et le fonctionnaire pouvait dire que c'était l'intérêt général du service public. Et l'ouvrier pouvait se dire qu'il produit des choses utiles à la société. Et que ça, on lui a retiré. Vu comme ça, ça fait comme si c'était que négatif, alors qu'on pouvait voir aussi la croyance, cette croyance-là qui a une part de vrai, comme une sorte d'aliénation. Parce qu'en même temps que lui pense travailler pour l'intérêt général, il sert l'État. Et l'ouvrier, en même temps qu'il pense produire des trucs utiles, sert son patron de la même manière. C'était à double tranchant. Donc le fait qu'on lui ait retiré ça, ça aussi c'est à double tranchant pour l'ouvrier et pour le patron. Pour le patron parce que soit ça veut dire qu'il est tellement en position de force qu'il n'a même plus besoin de faire croire à des conneries de ce genre, qu'il peut dire la vérité brutale que en fait, non, c'est pour les sous et c'est tout. Soit qu'il n'est pas en position de force mais qu'il est tellement acculé qu'il a plus il ne peut plus s'offrir le luxe. Ça c'est la version optimiste, s'offrir le luxe de raconter ce genre de choses et que c'est la guerre, etc., il faut y aller, on raconte. Et pour l'ouvrier, c'est la même chose, soit c'est le désespoir, soit c'est une sorte d'une désillusion qui est lucide. C'est-à-dire que là, il voit de manière nue sa condition, qu'effectivement, il voudrait que ça serve à quelque chose. Le système a pris, comme tu parlais des assurances, il prend toutes les choses positives qu'il y a dans les classes populaires, c'est-à-dire la solidarité, le besoin de sens, et il se les récupère régulièrement, mais parfois il peut ne même plus les utiliser. Et donc peut-être que ça l'amène à une vision lucide que c'est complètement absurde, insensé, c'est une mutilation de travail. Et là, voilà, soit il déprime et il se suicide, soit il se dit « bon, c'est comme ça, je m'en sors tout seul ». Mais soit aussi ça peut amener à une lutte supérieure parce qu'il n'y a plus de béquille sur laquelle s'asseoir, on est acculé dos au mur. Mais le problème c'est que dans la situation actuelle, on ne sait pas vers quel sens ça va. Mais pour te répondre, effectivement, il y a dans l'autre bouquin que je citais sur l'histoire de Chausson, elle faisait cette tripartition-là. Là, je fais un truc plus pessimiste parce que j'ai résumé le bouquin. Et elle ne faisait qu'une bipartition, là, à la fin. Il y avait cette tripartition-là. C'est effectivement ceux qui croyaient que, ben non, qu'ils allaient pas se faire licencier, qu'ils allaient rester. Du coup, ils prenaient pas les devants, etc. À la fin, ils luttaient. Il y avait tous les copains qui se faisaient virer les uns après les autres, ils les aidaient pas, machin. Et à la fin, ben, ils se prenaient, voilà, une brique sur la gueule, quoi. Une dépression, comme tu dis. Ceux qui avaient pris les devants, mais de façon complètement individualiste, et les autres qui s'engageaient dans l'action syndicale et qui luttaient. Et qui, eux aussi, arrivaient à rebondir ensuite, parce qu'ils avaient pris des habitudes de lutte, etc. Ensuite, ce que tu viens de décrire, mais c'est un large, vaste débat, enfin, c'est très ambigu comme situation, c'est très ambigu. C'est parce que ça veut dire, finalement, ce que tu dis, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a un changement dans la nature de l'aliénation ou pas, dans la nature de l'exploitation. Est-ce que c'est qu'en surface ou est-ce que c'est vraiment la racine? Et, ou alors si c'est qu'en surface, jusqu'à quel point ça va jusqu'à la racine? Ça, je saurais pas bien dire ce que c'est. Mais effectivement, quand je te parle de cette histoire, on me dit c'était mieux avant, c'est pas moi qui le dis ou machin. C'est ce qui ressort d'entretien. Effectivement, c'est, alors c'est toujours, on sait très bien que c'est subjectivé là aussi. Le passé est toujours une légende, c'est toujours un romancé, on se dit que c'était mieux avant, etc. Il y a aussi cette composante là qui joue quand les gens sont interviewés, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui fait qu'ils pensent qu'ils sont moins utiles, qu'il y a une logique qui est inhumaine. Alors, est-ce que cette logique va amener à plus de conscientisation? Là aussi, je sais pas, on peut pas dire, mais la question se pose en tout cas. La question se pose. Je sais pas si nous, il faut qu'on attende de ça, en tout cas, en tant qu'anarcho-syndicaliste. De toute manière. Après, il y a un truc, quand on lit ce genre de livre, il y en a depuis 95 beaucoup de sociologues qui étaient en 68 des gauchistes, qui sont devenus dans le système, et depuis les années 90, ils sont redevenus des critiques de nouveau. Ben c'est marrant, quand on les lit tous, ils sont tous mélancoliques. Donc, genre, ah là là, la catastrophe. Il y a une tristesse, une vision doloriste, parfois misérabiliste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur et de misère, mais ce n'est pas une vision combative qu'ils ont de la classe ouvrière, mais comme des grands malades souffrants. Et quand on les lit, ça casse le moral en fait, parce que ça ne donne aucune perspective, on a l'impression que la situation devient encore plus lourde à porter. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un coup, ils se mettent à regretter ce qu'on critiquait dans les années 60. C'est maintenant l'usine qu'on critiquait tous comme étant un scandale inhumain. Et bien maintenant, on regrette, on dit que c'était vraiment super parce que la place ouvrière se réunissait. Et l'État-nation, par exemple, on se disait quand même quand c'était national, mais maintenant la mondialisation, c'est insupportable. Et donc, c'est amusant de voir des gens critiques ou révolutionnaires, parce qu'il y a des révolutionnaires qui écrivent ça, regretter le capitalisme et l'État d'il y a 40 ans. Et ça montre qu'il y a une sorte de manque de vitalité, parce que un capitaliste, eux, ils chialent pas dans leur bouquin. Quand tu lis les cadres du capitalisme, ils sont hyper optimistes, combatifs, stratèges, comme tu disais. Et ils ne se disent pas, mais avant c'était tellement mieux. Ils se disent, quel avantage on va tirer de la situation actuelle? Et normalement, nous, on devrait faire la même chose. Se dire, bon, au lieu de chialer pour dire, c'est terrible ce qui se passe, se dire, bon, la situation est comme ça, comment on peut la retourner? Comment elle peut travailler pour nos intérêts à nous? Et ça, c'est absolument absent de toute cette sociologie-là. Et même, je pense, dans le rang aussi, il n'y a pas beaucoup de réflexion qui parle de la réalité telle qu'elle est et qui se dit comment elle pourrait nous servir, le fait que maintenant les ouvriers sont éclatés, atomisés. C'est le cas. On n'a pas les moyens, nous, de les réunir de nouveau. C'est le cas. Bon. Il va falloir réfléchir comment faire avec des gens qui sont isolés. Et à partir de cette réalité-là, quel levier, quel avantage, quel désavantage pour l'État, pour le capitalisme, il y a là-dedans? Et cette réflexion n'est jamais faite. Je m'étais inscrit, mais je partage totalement ton point de vue en lisant donc ces deux bouquins. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'anciens militants déprimés maintenant, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le point de vue universitaire, de profs d'université, républicains, enfin, qui sont devenus républicains en tout cas. Et effectivement, il n'y a aucune fenêtre de tir. C'est-à-dire, on dit ça, et on dit ça devrait changer. Donc, on espère que ce soit un parti qui amène la sauce, etc. Parce que c'est des individualités qui doivent changer, mais jamais une... Donc c'est pour ça que je te disais, voilà, sur le fait que si ça se conscientise, quelque part c'est ce qu'ils attendent. Ils sont tellement dans la mouise, ils vont quand même finir par se conscientiser quand même, tu vois. Mais bon, enfin, nous on peut pas jouer avec ce genre de stratégie ou d'argument, parce que là pour le coup ça serait jouer avec un truc mécanique ou déterministe. Ils vont de plus en plus se conscientiser parce qu'ils souffrent de plus en plus. Mais ça, on sait très bien que ça va pas de pair. Mais effectivement, c'est un côté aseptisé presque, alors que c'est assez explosif. Ça parle de trucs très explosifs et ça a une forme aseptisée. Voilà. Mais par contre, sur les histoires de partir de la réalité, etc., moi, quand j'insistais sur les histoires de morale, c'est parce qu'effectivement, il me semble que ça manque. Par contre, je dirais juste au niveau du milieu anarchiste. Je dis pas dans d'autres secteurs critiques, mais au niveau du milieu anarchique, il me semble que ça manque. Ça. On a peur de se servir de ça. Voilà. Et on ne se sert pas. On le porte. Oui, bon, simplement pour... Parce que bon, il y a de façon très juste toute une description de la réalité de ce que vit le prolétariat aujourd'hui. Moi, enfin, pour nous, il nous semble important, parce que quand la question de la perspective est posée, parce qu'on est avant tout révolutionnaire, hein, quand la question de la perspective est posée, il nous semble important de voir que le problème se situe dans un cadre plus large et plus profond. Ça ne remet pas en cause le fait de voir concrètement ce que le prolétariat vit dans sa chair au quotidien. Hein. Le chacun pour soi, l'atomisation, l'aliénation. Mais si on veut pouvoir apporter une réponse, en tant que révolutionnaire, donner des directives de combat qui se placent dans une perspective, et aussi comprendre qu'en dehors de cette atomisation du prolétariat, il y a quelque chose que le prolétariat ressent en tant que classe. Donc, pour nous, c'est important donc, de partir de cette vision plus large et plus profonde, celle qui, pour nous, dans la gauche communiste et CCI, est une donnée fondamentale, c'est celle de la prise en compte du fait, dans la situation actuelle, que le capitalisme ne peut plus rien apporter à l'humanité. Qu'il est un système, nous l'avons dit, en complète décadence depuis 80 ans, qu'il est un système en crise ouverte depuis les années 60, et que dans sa recherche effrénée du profit, effectivement, il tend à quadriller l'ensemble de la société, il tend à essayer d'extirper d'une façon, de multiples façons, qui ont très bien été décrites, le maximum de profit, essayer de faire face à sa crise, mais avant tout une crise qui est insoluble, qui n'a pas d'issue, qui fait que c'est un mode de production qui doit disparaître, qui ne peut disparaître que, effectivement, par la force du prolétariat. Et c'est important de comprendre ça, parce que la situation du prolétariat est liée, sa situation individuelle, son atomisation est liée à cette pression terrible que fait peser sur lui le capitalisme aujourd'hui, mais on ne peut pas se départir de la vision que la classe ouvrière est une classe qui reste une classe associée, même si la bourgeoisie emploie tout ce qu'elle peut, ses sociologues, ses méthodes pour essayer de diluer cette... On ne peut pas se départir de la vision que la classe ouvrière va tendre à chercher une solidarité de façon immédiate comme de façon générale, parce qu'elle porte en elle-même une perspective sociale, une humanité, comme ça a été dit. Alors, évidemment, qu'elle peut sembler avoir perdu, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une logique de combat permanent, mais de nécessité pour la classe ouvrière de prendre conscience, tout en se défendant, que ce système ne peut plus rien apporter, et que c'est ce système dont il faut se débarrasser. Qu'il ne s'agit pas de l'améliorer, qu'il ne s'agit pas d'obtenir, même si effectivement la classe ouvrière doit se défendre, hein, mais d'obtenir des réformes durables. C'est en ça, c'est notre analyse de la décadence du capitalisme. Mais c'est la nécessité de passer à cette prise de conscience qu'il va falloir, non pas simplement lutter contre ce capitalisme, mais le détruire. Et ça, c'est intéressant de voir dans toute cette description cette nécessité qui va s'imposer au prolétariat. C'est la situation actuelle, hein, où la classe ouvrière a pris de plein fouet une gravité d'une crise mondiale, bon, a tenté un peu de résister, mais où pour elle est posée la nécessité, aujourd'hui, va se poser la nécessité de se positionner, de comprendre et de se positionner comme une classe qui ne se protège plus, ne se défend plus, mais va renverser un système. Bon, c'est pour résumer, pour enfin finir, hein, la discussion peut encore, c'est la phrase de Lénine qui disait « La révolution, c'est quand ceux d'en haut ne peuvent plus et quand ceux d'en bas ne veulent plus. » Bon, ça résume. Mais on est un peu, de par cette décadence du capitalisme et cette décomposition de la capacité au capitalisme de pouvoir vivre en tant que mode de production qui permet de développer les forces productives, on est un peu dans cette situation-là. On est dans cette situation-là. Et toutes les contradictions que montrait le camarade tout à l'heure, toutes ces contradictions des psychologues qui, ou de, du management qui veut recréer un lien social et puis en fait qui le détruit parce qu'ils essayent à tout prix de pouvoir extirper le maximum de plus-value. Toutes ces contradictions sont aussi l'image d'une classe qui ne peut plus aujourd'hui arriver à diriger la société, qui a de plus en plus de mal à faire vivre sa société. La question est posée, c'est qu'il faut que ceux qui en bas ne veuillent plus. La question est posée là.